Activité 7, page 101. Piste 78. Ah, ils ont des baskets sympas. B. Nous habillons les enfants pour l'hiver. C. Elles achètent des vêtements à la mode. D. Ils aiment des vêtements pour le style et la couleur.